Whatever you do, don't fall asleep. Ça y est, je suis dit, pars sur un string et dans mes mains le putain de projet. C'est limite procès, à la limite du procès. Putain de progrès, rapper, gratter, rouler, tirer, everyday. Ça se déclate, t'es dans des sachets, ça fait 10 piges qu'on rappe et on n'a pas fait de housse. Y'a que la mort à nos trousses et que les chemins qui nous coursent. Toujours pas coté en bourse, quand t'as des chromes, tu rembourses. Quand on fait ses poules de la brousse, quand on billet sur la couche. Le texte est violent, une dédicace, toutes les salopes. Sali par la C ou par de sale gars, la mort est silente. Souvent elle vient de bichot à l'aube. Tu chromes avec le diable, un jour faudra le payer sale. Au rien que je me pète des sales barreaux. Chaque jour j'en viens plus sparo. Je suis dans le vaisseau comme Jack Sparrow. Putain les frères on se barreau. Demande ma witch une pute. J'ai préféré de la lutte. Les boycottés fracassent mon crâne comme des hypercutes. J'suis boycotté, trop essoufflé. J'ai des points de côté, j'nique toujours les comptes. Les boucaves qui te font tomber. Ceux qui t'appellent frère et derrière ton dos. J'voulais fronter, sourire aux lèvres forcées. Quand tout c'est très raconté. J'suis boycotté, trop essoufflé. J'ai des points de côté, j'nique toujours les comptes. Les boucaves qui te font tomber. Ceux qui t'appellent frère et derrière ton dos. J'voulais fronter, sourire aux lèvres forcées. Quand tout c'est très raconté. Ça bagarre pour les liasses et les bijoux. Bicrave où les petits joues se font péter. Tous les 10 jours, mes côtés. Pour nos visions, faut qu'on kick avant que tu sois sourd. Balance du sas, t'assure. Si tu danses, faut que t'assumes. J'suis seul sur ma peine, tu pars. Tu frappes à peine, j't'assure. Clip, pas de blême, j't'allume. Traîne ma carcasse au clair de lune. Lequel de nous fera des thunes? Lequel de vous fera la pute? Pas plus ni dollars, j'me suis fait seul, pas d'accolade. J'passe la con man, quand j'suis mal, moi j'suis dernier des connards. Sous la dalle, j'fais que des conneries, donc j'évite de finir à gros lard. Mon chibro, une grenade, à deux doigts d'exploser. Quand j'tournais en promenade, pas dis-moi où t'étais. Moi j'ai sauté du train pour vestir ma vie dans des deux. J'veux une baraque au soleil pour ma daronne au teublé. J'ai le réveil, gueule de bois, donc évite de monter ton s'te plaît. Sur le béton, on se crève, difficile de soigner ses plaies. J'suis boycotté, trop essoufflé. J'ai des points de côté, j'nique toujours les comptes. Les boucaves qui te font tomber. Ceux qui t'appellent frère et derrière ton dos. J'voulais fronter, sourire aux lèvres forcées. Quand tout c'est très raconté, j'suis boycotté, trop essoufflé. J'ai des points de côté, j'nique toujours les comptes. Les boucaves qui te font tomber. Ceux qui t'appellent frère et derrière ton dos. J'voulais fronter, sourire aux lèvres forcées. Quand tout c'est très raconté, j'suis boycotté. Casquette enfoncée jusqu'aux yeux, j'déambule dans les rues du 9-4. Yeah. Toujours sur la défensive, photo shake les keufs mat. Fais des gestes, donc la liste bouge esquive. J'encule la BAC et tout leur dispositif. J'ai des gaines de zombies et de trolls de délire. J'pourrais finir en zombie à cause de mes nombreux délits. Mon ombre me suit dans toutes mes cavalcades. Renseigne-toi sur le passé de ta mère. J'en connais des cavalcades. Recoup, Trafalgar. J'enveille ma colonne vers tes bras. J'ai pas envie qu'on vienne me dégrin, qu'on vienne me quiebra. Cache-moi, lyrical, cache-bras. Me tends pas la main, connu, j'te casse ton bras. Grave maga, toutes ces gaz m'agacent. Oh my, j'crache ma rage. Putain. J'ai reçu trop de coups de grâce à race. Faut que je brasse du cash, que je m'arrache. Je tiens le place, les deux côtés, la putain de sa race. J'suis boycotté, trop essoufflé. J'ai des points de côté, j'nique toujours les comptes. Les boucaves qui te font tomber. Ceux qui t'appellent frère et derrière ton dos. J'voulais fronter, sourire aux lèvres forcées. Quand tout c'est très raconté, j'suis boycotté, trop essoufflé. J'ai des points de côté, j'nique toujours les comptes. Les boucaves qui te font tomber.